Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. La prière fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chèvres ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons, à leur poste gelés, rester debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leur moutache grise. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombres sur le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et, chacun se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire? Deux ennemis, le Tsar, le Nord. Le Nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus, il fuyait. Le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chute d'Hannibal, lendemain d'Attila. Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, on s'écrasait au pont pour passer les rivières, on s'endormait 10 000, on se réveillait 100. Mais, que suivait naguère une armée, à présent s'évadait, disputant sa montre à 3 cosaques. Toutes les nuits, qui vivent, alerte, assaut, attaque. Ces fantômes prenaient leurs fusils, et sur eux, ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux, avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, d'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves. Toute une armée ainsi, dans la nuit, se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant, par la hache insulté, tressaillant sous le spectre lugubre revanche, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tente avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ce qui restait, croyant toujours à son étoile, accusait le destin de lèse-majesté, lui se sentit soudain dans l'âme, épouvanté. Stupéfait du désastre, et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose peut-être, et, livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. « Est-ce le châtiment, dit-il, Dieu des armées ?» Alors, il s'entendit appeler par son nom, et quelqu'un, qui parlait dans l'ombre, lui dit « Non !»